içinde. Non mais tu vois, je crois que tout. Les gens seraient toujours Non mais tu vois, je crois que tout. Là c'est dit aujourd'hui qu'on partirait un jour peut-être sans le soir très loin d'ici pour verdir car il y va. On connaîtrait pas les usages, les gens y seraient toujours gentils et puis c'est sûr des enfants toujours aussi. Il s'est dit aujourd'hui qu'on partirait un jour peut-être sans doute pas très loin d'ici. Non mais tu vois, je crois que tout ouvert, fini, calé. Il s'est dit aujourd'hui qu'on partirait un jour peut-être sans doute pas très loin d'ici. Bah, c'est dit d'aujourd'hui qu'on partirait un jour peut-être. Sans doute pas très loin d'ici, on verra d'inégaler. On connaîtra pas les visages, les gens ils seraient toujours gentils. Et puis c'est sûr, des enfants arriveront ici. Il s'est dit